Les nuits de France Culture, deuxième nuit, Alexandre Dumas. Nuit commencée en compagnie de Sarah Mombert, maîtresse de conférence en littérature du 19e siècle à l'École normale supérieure de Lyon, venue parler de Dumas, journaliste, directeur ou fondateur de journaux et aussi homme de théâtre. Nuit qui s'est poursuivie par l'écoute d'une conférence qu'André Mauroy avait donnée en 1955 dans le cadre de l'Université des Annales consacrée à la Tour de Nesle. Puis à l'instant par cette diffusion d'un conte de Monte Cristo, c'est une captation, répétons-le, d'une représentation au Festival de Provins en 1965. Et puis, vous voici, Claude Chopp. Bonsoir, Claude Chopp. Bonsoir. Alors, si l'on parlait longuement d'Alexandre Dumas, alors rappelons que nous sommes dans la deuxième nuit Alexandre Dumas, ça veut dire qu'une première nuit Alexandre Dumas a été diffusée, qui en douterait, et que les auditeurs ont pu suivre lors de la première nuit, la semaine dernière donc, où ils sont invités, s'ils n'ont pas fait, à télécharger toutes les riches archives et entretiens avec Frédéric Lurolle, directrice du château de Monte Cristo à Port-Marly, en région parisienne, avec Clara Edouin et Romain Becdelief pour le collectif 49-701 et leur adaptation au singulier et représentation au pluriel des trois mousquetaires. Mais aussi, puisque je suis parti dans la lecture du menu de cette première nuit, une conférence de Louis Jouvet sur mélodrame, romantisme et Alexandre Dumas, et la diffusion de Kin, pièce d'Alexandre Dumas, une version radiophonique de 1949 avec Pierre Brasseur et Maria Cazares, puis celle d'Ascanio, l'adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Alors j'ai commencé, je crois, Claude Chopp, une phrase en disant « si l'on parlait longuement d'Alexandre Dumas », et puis je suis parti sur le menu de la première nuit, mais je voulais terminer évidemment cette phrase en disant « si l'on parlait de Dumas sans donner la parole à Claude Chopp, la nuit n'existerait pas, il n'y aurait pas eu de nuit Alexandre Dumas, vous êtes LE Dumasien ». J'essaie de l'être depuis longtemps, donc ça me donne une certaine avance, c'est tout. Depuis combien de temps ? Oh, une quarantaine d'années au moins. Alors une quarantaine d'années, ça veut dire que vous avez commencé Dumas, si j'ose dire, à quel âge ? Moi, j'ai commencé Dumas à 20 ans environ. C'est pas très jeune finalement ? C'est très tard, contrairement à ceux qui cachaient Dumas dans leur pupitre ou la nuit avec une pile électrique sous les draps. Non, moi j'ai commencé à l'université cherchant un auteur romantique qui ne soit pas trop glosé et donc entrer directement dans le texte sans passer par la glose. En fait, mon goût pour Dumas, c'était ça. Ensuite, ça a été plutôt un mariage de raison. Là, c'était un mariage de raison. Et puis, peu à peu, on se croirait chez Bourbon-Busset, c'est devenu un mariage d'amour, en fait. Et plus j'avance, plus je le trouve. C'est devenu, avec la vieillesse, quasiment mon meilleur ami intime. Alors, c'était quoi, les premières lectures à 20 ans, donc ? Bah, c'est un travail que j'ai fait sur la Dame de Montsoreau. Sur la Dame de Montsoreau et son rapport à Walter Scott. Et quand vous avez ouvert La Dame de Montsoreau, vous saviez que ça faisait partie d'une trilogie ou vous êtes dit, tiens, et que c'était même pas le premier tome là, de la trilogie? Là, vous m'obligez à des choses rétrospectives, je m'en souviens vraiment pas, ah bon, mais je crois que j'ai lu aussitôt après la Reine Margot, peut-être même avant, quand je me suis dit, bon, c'est la deuxième. J'étais quand même un peu bête, mais pas à ce point-là. Ah oui. Donc... Vous y alliez sans enthousiasme, en fait, je suis un peu sans surpris. Sans enthousiasme, comme un travail universitaire, en fait. On vous donne un travail universitaire, vous essayez, c'était sous la direction de Madame Suzanne Jean-Bérard, j'étais tout tremblant devant ces nobles professeurs, et voilà. Mais donc ça voulait dire que même s'il n'y avait pas de glosse, s'il n'y avait pas un travail démentiel des facultés, etc., ça veut dire qu'il y avait quand même des professeurs suffisamment intelligents, pour dire, eh bien tiens, Dumas, c'est beaucoup mieux que ce qu'on croit. Oui, elle m'a dit pourquoi pas. En fait, c'était une spécialiste de Balzac en plus, donc c'est plutôt un mauvais point pour qui va lire Dumas. Mais bon, non, je crois qu'elle avait l'esprit large et elle m'a aidé. Ça a été un travail intéressant. Alors, on est parti il y a 40 ans, 2 fois 20 ans, si je calcule bien. Plus récemment, tout récemment même, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, en 2018, vous avez publié quelque chose sur les Dumas? Oui, sur les 4 Dumas, on a appelé ça les bâtards magnifiques avec mon ami Sylvain Léda. C'est-à-dire, on estimait en définitive que la bâtardise était véritablement un axe d'explication possible des Dumas. Ça, c'était à la librairie Vuibert. À la librairie Bagnard-Vuibert, oui. Et alors, ça, dites-nous un petit peu plus. Là, vous avez, on dirait que vous dites oui, bon, Dumas, encore Dumas. Attendez, est-ce que vous êtes le bon invité finalement pour cette nuit Dumas? Non, c'est-à-dire que nous avons fait du Dumas, c'est-à-dire de la vulgarisation, on a recueilli tout ce qui est, et on a essayé de redonner un peu de soin à ces figures, un peu ces figures tutélaires intéressantes. Et donc, en commençant par le père, le général, en passant par Dumas, le père, mais qui est là, dans ce cas-là, le fils, et enfin terminé par Dumas-fils, que je découvre petit à petit, qui est le petit-fils, que je découvre petit à petit, et dont j'ai écrit l'année dernière une biographie avec ma femme, sous le titre Anti-Oedipe, parce qu'il avait tout pour détester son père et au contraire, non pas il ne l'a pas tué, mais il l'a accueilli pour qu'il meure tranquille. Ah, c'est vrai que donc vous êtes un spécialiste des Dumas, on l'aura compris, Claude Chope. Le petit-fils, donc qui est le fils, ou quel, oui c'est ça, il y a l'arrière-petit-fils aussi, si on reste sur Alexandre Dumas, manque de bol, ils ont tous la dynastie porte le prénom d'Alexandre, en fait. Donc il y a le général, il y a l'écrivain, il y a l'écrivain 2, c'est-à-dire le père de la dame aux camélias. Voilà. Mais vous allez fouiller où alors? Parce que c'est quand on commence il y a 40 ans comme étudiant et on devient professeur et voilà, on va dans les bibliothèques. Vous avez travaillé en bibliothèque, même s'il n'y avait pas des gloses, et c'était des choses imprimées. Vous n'êtes pas allé tout de suite à la BN ou je ne sais où. Je suis allé très tôt à la BN parce que je me suis intéressé à la correspondance essentiellement. J'ai trouvé qu'écrire des biographies, une biographie ou rendre compte d'un écrivain, c'est quand on a la possibilité d'avoir recours aux correspondances. Et en fait, mon premier travail universitaire, ça a été l'édition de la correspondance de Dumas père avec Mélanie Valdor, sa première maîtresse, celle en quelque sorte qui l'a créé, son Pygmalion femelle, qui a exigé au fond qu'il se dépasse et qu'il abandonne le vaudeville pour entrer dans le grand théâtre, celui de qui a donné en définitive Christine, etc. Donc ça a commencé comme cela, et donc ensuite j'ai eu du goût, infiniment de goût, pour tout ce qui était archives, et donc j'ai beaucoup, beaucoup fréquenté aussi bien les archives nationales que la BN côté manuscrit, et toutes les archives de province où il pourrait y avoir quelque chose. Donc j'étais une sorte de commis-voyageur des archives à ce moment-là, et c'était... C'est assez passionnant, disons. Le phénomène de l'enquête en soi est passionnante. Et est-ce qu'il est arrivé dans votre vie, Claude Chope, qu'on vous adresse un courrier en vous disant « Je crois avoir trouvé au grenier dans... » Oui. Oui, ça m'est arrivé d'une façon étonnante. Justement, à propos de correspondance, un jour, quelqu'un qui habitait à Bayeux, dans le Calvados, m'a appelé, si j'ose dire, il m'a dit j'ai trouvé dans un grenier des lettres. Il semble que ce soit des lettres adressées à Dumas. Ça pourrait être intéressant. Et donc je dis bien sûr, bien sûr. Et en fait, pour échapper à l'œil de sa femme Ida Ferrier, Dumas avait donné au nommé Domange toutes les lettres amoureuses qu'il recevait. Enfin, une partie, parce que donc il y avait 10 lettres, je crois, de Marie Dorval en pleine tromperie de Vigny avec Dumas. Il y avait des lettres, par exemple, de la très très belle chanteuse Caroline Unger, qui avait créé la messe solennelle de Beethoven et qui était devenue la maîtresse de Dumas du côté de Palerme. Donc il y avait toute une série, et là ça a été un moment effectivement étrange, en fait. Et actuellement cela continue, c'est-à-dire que, étant une sorte de, comment dirais-je, de gardien du dumasisme plutôt, les gens m'envoient des lettres me demandant si c'est vraiment de Dumas, si ce n'est pas de Dumas. Bon, je suis d'une prudence de lynx, parce que je ne veux pas entériner des choses qui sont très fausses. C'est-à-dire que si c'est signé Dumas, c'est... Ouais, comme c'est un film, ça. Pas très bon d'abord. Bon, alors, donc, Claude Chope, le travail, on a compris comment vous procédez, donc il y a une quarantaine d'années, et alors après, vous vous mettez à lire systématiquement tout ce qui est paru, mais est-ce que tout était paru, en fait? Tout était-il accessible il y a une quarantaine d'années? Il y avait beaucoup de choses tout à fait inaccessibles, c'est-à-dire entre autres les œuvres publiées dans des journaux, mais qui n'avaient pas été reprises en librairie. Et là, il y en a eu beaucoup, c'est-à-dire le phénomène dont on parlera peut-être, de l'abandon par Dumas d'une œuvre en cours, pour des raisons X et Y, généralement dues au système du feuilleton. Mais alors, on va en parler tout de suite parce que ça m'intéresse beaucoup, Claude Chop. Je sais que vous avez terminé un roman qui s'appelle Le Chevalier de Saint-Hermine, publié chez Phébus. Oui, effectivement, il y avait là. J'avais d'abord découvert un roman inédit, totalement inédit, qui se trouvait donc dans les papiers poussiéreux de la BN, du temps de la BN Richelieu. Et ce roman très long, qui s'appelait Hector de Saint-Hermine. Le frère de Charles. Voilà, avait été arrêté, et donc je l'avais retrouvé, et Phébus avait accepté de le publier tel quel. Mais excusez-moi, il avait été arrêté en feuilleton. Il avait été arrêté en feuilleton. Alors, dans la mesure où on s'approchait des périodes de guerre et des périodes aussi où Dumas était dans une santé médiocre, on peut penser que la force lui avait manqué pour continuer, sans doute. C'est véritablement un roman défunt, si j'ose dire. Et à partir de là. Il y a eu publication, impression chez Phébus de ce gros roman. Et un peu plus tard, j'enseignais aux États-Unis à ce moment-là, ma femme m'a téléphoné pour me dire « On vend un plan d'Hector de Saint-Hermine ». Ah, j'ai dit « Ah bon ?» Et donc achète-le. Donc elle a acheté le plan. Alors j'avais tout le début du roman, j'avais le plan. Et par ailleurs, mon ami Thierry Bedin, un jour, je l'invitais, c'est un des meilleurs marchands d'autographes de la place de Paris, où il venait dîner à la maison, m'a offert une enveloppe grave, comme ça, m'a dit, voilà, je te donne ça. J'ai pas regardé sur le coup parce que j'accueillais. Et quand il est parti, j'ai regardé et c'était trois chapitres, les chapitres terminaux d'Hector de Saint-Hermine qui existaient. Donc j'ai pris la liberté, en le disant bien entendu, d'utiliser tous ces éléments pour faire un nouveau roman, si je veux, un roman de Dumas en société avec moi, qui s'appelait Le Salut de l'Empire. Oui, parce que c'était aussi ce roman-là, il s'inscrivait dans une trilogie ou... Oui, c'était le passage qu'il faisait de l'Ancien Régime à Bonaparte, en passant par la Révolution. Donc on avait d'abord Joseph Balsamo. On avait ensuite le collier de la reine, puis on avait Ange Pitou, puis la comtesse de Charny, et enfin, à ce moment, on quittait la Révolution pour entrer dans l'Empire, et on allait jusqu'à 1815. Voilà, on avait les Blancs et les Bleus, les Compagnons de Jéhu, mais tout ça écrit dans le désordre, parce que nous-mêmes, on peut, lecteur, il est arrivé, il continue d'arriver. Ah oui, d'arriver, à la fin, il écrit totalement dans le désordre. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant aussi, parce qu'il fait, il termine une histoire, le drame de la France s'écrit par petits bouts, il n'est pas parti de 1600 et quelques, et pour arriver à 1870. Non, c'est dans un désordre total, bien que en définitive le phénomène du feuilleton fait que par exemple les mousquetaires correspondent au journal Le Siècle, et donc il va y avoir un ordre dans le journal Le Siècle parce que les lecteurs du siècle veulent qu'on avance, donc il y a ce phénomène du feuilleton et du journal par rapport au feuilleton. Oui, mais par exemple Le Chevalier de Maison Rouge, c'est écrit, ça raconte la fin de Marie-Antoinette, alors qu'il n'a pas écrit le début, il n'a pas écrit Le Collier de la Reine. C'est en 44, si je me souviens bien. Oui, c'est un roman un petit peu hors cycle, en fait. Et d'ailleurs, lorsque j'ai publié ces romans chez Bouquin, je l'ai mis en arrière parce que le Chevalier de Maison Rouge qui existe dans le Chevalier de Maison Rouge n'est pas le même que celui qui existe en plus dans le Collier de la Reine. Donc, y a de quoi s'y perdre. Alors, vous ne vous y perdez pas, Claude Chop, parce que vous êtes le grand dumasien et vous allez... C'est dans une préface aux collections Bouquins. Vous avez fait tout le travail. Les éditions Bouquins Robert Laffont vous doivent beaucoup, et c'est le grand plaisir qu'on a à les lire. C'est grâce à vous, grâce à vos préfaces, grâce à vos notes, grâce à vos dictionnaires, des personnages réels, des personnages fictifs, des personnages de l'histoire, de l'Antiquité, etc. Mais vous êtes donc là, en fait, cette nuit, vous le savez à peine, Claude Chope, pour terminer une trilogie, pour poursuivre une trilogie. Vous allez me dire, s'il y a un quatrième volume, c'est plus une trilogie, mais peu importe. Par exemple, les romans de la Renaissance. Oui. Alors. Alors, quoi des romans de la Renaissance? Les romans de la Renaissance, d'abord, il faut isoler Ascanio. Ascanio n'est certainement pas totalement Dumas, voire pas du tout Dumas. Hein. Alors bon, on l'a diffusé la semaine dernière en adaptation, bon, c'est faux. Mais à vrai dire, tout cela, ça ne correspond pas à grand-chose. Dans la mesure où, lorsqu'on écrit un livre signé Dumas, on s'efforce d'écrire comme. Donc, quand ce n'est pas des textes de Dumas, c'est des textes qui ont écrit comme du Dumas. Et donc, la querelle un peu absurde du qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il n'a pas écrit, au fond, importe assez peu. Hein. Ce qui est important, c'est cette espèce de signature Dumas qu'il a imposée très vite. Alors, donc, les trois romans, d'ailleurs, on les a cités déjà, de la Renaissance. Oui, c'est La Reine Margot, La Dame de Montsoreau. Et Les 45. Et Les 45, voilà. Qui sont, là, totalement inachevés. Totalement inachevés, enfin, on le termine. Enfin, on termine par des morts qu'il fait. Ceux qui devaient mourir meurent, en définitive. Oui, d'une manière très romantique. D'une manière très romantique. Mais c'est vrai qu'on se demande ce que devient Ernoton de Carmingue. Oui. Que devient Sainte-Maline, c'est ça? Oui, tous, quelques-uns des 45. Ah oui. Oui, oui, non. Et puis surtout, le petit Moignillon, que devient le petit Moignillon? Jacques Clément. Jacques Clément, ça nous dit quelque chose quand on connaît un peu l'histoire de France, mais on se dit, que va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Pourquoi va-t-il poignarder Henri III? Avec quelle arme, ça, on le sait? On le sait, oui, oui, c'est vrai. Parce que, oui. Parce que c'est Henri III lui-même qui, dans les 45, ou... Oui, dans les 45. Lui donne un couteau, comme ça, il y a un petit moine qui arrive, qui doit être sympathique et... Oui, gentil. Il est charmant. Il est charmant, donc on lui donnait des bonbons, on lui offre un couteau. Sauf que, alors nous on se dit, tiens. Peut-être, mais... Mais Dumas n'en fait rien. Dumas n'en fait rien, mais on aurait fait quelque chose, certainement. Là est le grand problème de ces romans, de tous ces romans inachevés, et presque tous le sont. Enfin, dans son esprit, de moins, il a une envie de... Il a le dégoût du roman trop long, mais il y a un moment où il se dit « peut-être que je pourrais réutiliser ce personnage, ces personnages, cette fin ». C'est le cas donc du Comte de Monte Cristo, où dans un texte plus tardif, il dit « moi je sais comment finirait vraiment Monte Cristo, c'est pendant le siège de Rome en 50-51, il mourrait avec Garibaldi au siège de Rome ». Bon, voilà, donc c'est après sa période garibaldienne, bien sûr, qu'il fait rejaillir cet héroïsme sur Monte Cristo. Quel autre roman pourrait-on citer? Bon, alors ici, nous avions la trilogie Renaissance, qui est un roman inachevé. Les Mousquetaires. Il y a un moment où il parle d'un maréchal Ferrand qui devait jouer un rôle. Alors, il ne restait malheureusement plus que qu'Aramis. Mais bon, Aramis restait, on pouvait encore utiliser le personnage d'Aramis. Enfin, on a quand même une suite aux Trois Mousquetaires, et il y a une suite aussi à 20 ans après, donc ça peut suffire. Ça peut suffire, mais il a parlé de cette possibilité d'écrire un roman suite des Mousquetaires qui s'appellerait Le Maréchal Ferrand. Donc on a un goût de l'inachevé, en quelque sorte, ou du moins le goût de la reprise. C'est très complexe. Je me demande, Claude Chope, si on n'est pas en train de se tromper tous deux en disant qu'il y a des romans inachevés. Je me demande si, en fait, ce que Alexandre Dumas n'a pas écrit ne nous impose pas le fait de penser que ça ne s'est pas produit. C'est-à-dire que si Henri III n'a pas été assassiné dans un roman de Dumas par Jacques Clément, le moine... Si le duc de Guise n'a pas été aussi assassiné par les 45 ou quelques-uns des 45, ça ne s'est pas produit. On nous a menti à l'école. Oui, alors vous croyez qu'on vous a menti? Oui. Non? Oui, peut-être. Bah, écoutez, Henri IV ne prend pas le pouvoir, donc Henri de Navarre, je veux dire, ne prend pas le pouvoir chez Dumas. Non, il ne prend pas le pouvoir, mais il devait le prendre, en fait. Bah, oui, mais l'a-t-il pris? Oui, non, puis il devait mourir aussi, puisque c'est, le roman devait s'appeler Ravaillac. Certes, mais il n'a pas été écrit, donc... Il n'a pas été écrit, donc il n'existe pas. Bah, c'est ce qui me semble. Oui, pour un lecteur de Dumas, c'est vrai. C'est une façon de refaire l'histoire de France. Bah, je pense que c'est la bonne... non, la bonne... Oui, on peut dire ça, c'est là. Ça pourrait être un sujet de réflexion. Je vous l'offre. Oui, merci. C'est... Bon, alors ce qui s'est produit, en tout cas ce qu'on a lu, c'est quand même l'essentiel malgré tout, parce que même s'il y a l'inachèvement, mais il y a aussi ce qui est entre deux romans, par exemple. Alors les romans, vous avez dit Joseph Balsamo, et puis ça se termine par Le Chevalier de Maison Rouge, mais toute la période n'est pas explorée malgré tout par Dumas. Est-ce qu'il avait envie de faire un plus court roman, finalement, qui allait nous raconter la vie d'un personnage secondaire? Ou alors il comprenait que ses lecteurs voulaient qu'il reste, qu'on suive Marie-Antoinette du temple à la conciergerie et de tel enfin voilà. Oui. Je crois qu'en fait, il faut quand même accorder à Dumas le goût de la fantaisie. C'est pas, il y a quand même ce désir d'aller de l'avant, mais sans regarder tellement ce qui s'est passé à l'arrière. Donc il y a une espèce de, c'est moi ce qui m'a toujours frappé chez Dumas, c'est sa rapidité, sa vitesse d'écriture et vitesse de lecture. Je veux dire que quand on le lit vite, mais pourquoi on le lit vite? Je suppose c'est parce que il l'a écrit très vite et on a la même respiration que la sienne. Et donc, je crois que c'est là le secret et peut-être aussi parfois les absurdités qu'il peut commettre, mais qu'importe, je veux dire, c'est dans le mouvement, au lieu de rester immobile. Et il se moque, par exemple, de Walter Scott en disant, bon, Walter Scott, faut que je traverse toute une période, et il se moque aussi de Balzac par la même occasion, cette longue période des débuts où on pose les choses, alors que Dumas entre directement dans l'action. C'était le 27 avril, Dans les romans historiques, mais il arrive peut-être que dans certains romans, Dumas prenne son temps quand même, non? Dans ces romans, est-ce qu'il prend son temps? J'irais presque le contraire, en fait. Il est débarrassé de l'histoire et les quelques courts romans qu'il a publiés dans les années 44, 45, Gabriel Lambert, Les Frères Corse, nous sommes là dans des romans où il travaille davantage sur la technique romanesque. C'est-à-dire que dans Le Comte de Monte Cristo, dans Les Trois Mousquetaires, nous, on est dans le linéaire. On commence, on a un début, une fin. On abandonne parfois des personnages. Il est temps, nos lecteurs ont peut-être oublié que, etc. Et tout. Mais c'est linéaire. Voilà, on y revient. Alors que là, au contraire, dans ses romans, il travaille la multiplicité, par exemple, des témoignages, les regards différents sur un personnage. Et c'est assez nouveau et assez intéressant. Mais ce sont des romans courts. Je crois qu'il ne mènerait pas ce travail jusqu'au bout, si c'était un roman long, en fait. Alors, on dit que Claude Chope, on parle de l'écriture rapide et qui donne une impression d'avoir une écriture rapide et une lecture rapide, du coup. Est-ce que cet homme qui a écrit des milliers de pages, ou a fait écrire des pages pour son roman, ce qui revient d'une certaine manière au même, parce qu'il faut donner des indications et ensuite faut lire ce qui a été écrit, peut-être pas toujours, mais enfin parfois, la plupart du temps, il disait. Plus souvent. Bon. Est-ce qu'il avait le temps de lire lui-même d'autres écrivains? Oui, on a quelques témoignages de lecture. Il lit Georges Sand, par exemple. Il lit Victor Hugo. Il lit Les Misérables, qu'il déteste parce qu'il trouve qu'on nage dans le mercure, c'est-à-dire qu'on n'avance pas, justement. Pour lui, chaque partie des Misérables accouche d'une souris, dit-il. Parce que, il y a le goût d'Hugo pour le style, en fait. Or, pour Dumas, le style, c'est la négation du style, en fait. C'est ce qui fait sa modernité. C'est-à-dire, il refuse la rhétorique, en fait, ou une partie de la rhétorique. Alors, Hugo s'empare de la rhétorique et en fait un orchestre symphonique. C'est lié quand même à la manière de publication de ces romans en question. Oui, c'est le feuilleton. Le feuilleton. Je crois que le feuilleton est intéressant. On en parle généralement à tort, très mal. En général, le feuilleton ne s'écrit pas au jour le jour, comme on l'a dit trop souvent. Ça plaît, je ne sais pas pourquoi, cette notion. En définitive, les directeurs de journaux, très malins, exige au moins pour commencer un roman qu'il y ait deux volumes. Alors deux volumes, ça correspond chez Dumas à un volume, c'est 80 pages de son écriture. Donc il faut qu'ils aient environ 160 pages de son écriture pour oser commencer en se disant bon, tant qu'il nous rattrape, il va avoir le temps peut-être d'eux. Bon, il y a des moments où ça ne marche pas. Hein. Par exemple, lorsqu'il doit publier le Comte de Monte Cristo dans le Globe. Bon, il y a le Comte de Monte Cristo, le Globe, mais par ailleurs, la presse qui doit publier la reine Margot commence d'abord par Les Paysans de Balzac. Or, Les Paysans de Balzac, ça ne plaît pas. Ça fait un four. Et donc, la presse dit, on commence aussitôt la reine Margot. Mais alors que devient le Comte de Monte Cristo? Bien sûr, le Comte de Monte Cristo, Dumas va décider de le laisser 6 mois en attente. C'est-à-dire, curieusement, lorsque Dantès se jette dans la Méditerranée du haut, enfin est jeté plutôt que se jette. En sac. Voilà, dans un sac. Non, du pas château en Seine, mais en Méditerranée. Ouais. Et ils vont, les lecteurs vont attendre 6 mois avant de le voir réapparaître et arriver vers Livourne grâce à un pêcheur bienveillant. Donc il y a ce côté très très étrange, très amusant. Alors ils exigent 2 volumes. Et après, ils permettent une certaine... mais ils réclament. Et alors, de temps en temps, la correspondance de Maquet... Au tribunal aussi. À Maquet, c'est « Nous sommes rejoints, vite, vite, du... » Alors, c'est parfois, c'est vite, vite, un seul roman, mais parfois, c'est vite, vite, 2 romans à la fois, Bragelonne, par exemple, et Balsamo. Et d'ailleurs, il n'y avait pas à cette époque-là, Claude Chope, d'impossibilité de publier dans 3 journaux différents. Enfin, non. On ne demandait pas du tout l'exclusivité. Oh non, il y a même certains moments où il y a 5 romans de Dumas dans les différents journaux. Et c'est tout à fait étonnant. Alors évidemment, certains font partie des 2 volumes demandés à l'avance, etc. On joue. Mais la plupart du temps, il y a au moins 2 journaux, La Presse, Le Siècle et Le Globe, qui publient, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. Alors vous, Claude Chope, vous nous avez expliqué que vous avez commencé votre apprentissage dumasien parce qu'il n'y avait pas de glose sur Dumas et que finalement c'était bien de travailler pour l'université sur lui. Il faut reconnaître à quel point le plaisir de la lecture en bouquin, par exemple, et si on trouve aussi en folio, etc., se double de la lecture des préfaces et des notes. Parce que là, on est... Alors, c'est pas de la glose, vous n'expliquez pas ce qu'a voulu dire l'auteur, ah, et on s'en fiche de ça, il le dit. Donc. Mais il y a un roman parallèle, quoi, à l'écriture de ces romans. Alors, on parlait de Maquet, on peut parler des tribunaux, des directeurs de journaux qui écrivent, qui disputent, qui menacent, qui exigent. Ça, c'est un autre roman, enfin, en permanence. Oui, c'est vrai. La notation est nécessaire, bien entendu. Et puis, bon, il y a aussi une espèce de désir de ma part de, justement, de donner les quelques renseignements nécessaires pour que tout soit compris au mieux, en fait, sans, justement, intervenir de façon pléiade, si j'ose dire, c'est-à-dire, ou à la fin de la pléiade, ou c'est pas la fin de la pléiade, mais où certaines pléiades, il y a la moitié de glose et la moitié de texte de l'auteur. Là, il fallait laisser parler l'auteur, mais justement, pour que sa parole soit entendue, il faut un certain nombre de précisions, en définitive. Et j'avoue que j'ai un plaisir... qui va jusqu'au vertige devant la note. J'adore la note, je suis un fou de notes, mais justement, une note nécessaire, mais qui ne laisse aucun pan du texte sans explication. Est-ce que vous lisez d'autres éditions de Dumas? Parce que bon, Dumas, depuis très longtemps, est dans le domaine public, donc tout le monde peut publier du Dumas. Est-ce que vous êtes là à regarder vos petits camarades en disant oh, « à quoi sert cette note ?» ou « Tiens, j'aurais pu, au contraire, moi, dire la même chose. » Est-ce que je fais ça? Oui. Avouez. Plus ou non, je suis plein d'indulgence pour moi et pour les autres. Déjà, le mot indulgence, veut dire... Non, il y a d'excellentes éditions de Dumas partout. Oui, il y en a, et j'en suis bien content parce que j'ai l'impression que par certains côtés, ce sont des gens qui me ressemblent ou qui m'ont suivi, ou un vague sentiment de paternité. Bon, la paternité n'est jamais certaine. Mais tous les invités de ces 2 nuits Dumas, quand Claude Chope, mais Claude Chope, viens. Bon, voilà. Non, vous êtes le grand Claude Chope. Alors, qu'est-ce qui pourrait être comme roman? Vous en avez parlé de l'inachèvement. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer maintenant comme faux roman d'Alexandre Dumas? Comme faux roman? Oui. Qu'est-ce que vous entendez par ah, là? Ah, je ne sais pas. Je déguise ma voix au moment d'écriture. Je vous envoie du Calvados ou d'ailleurs un texte vous disant j'ai retrouvé 200 pages. C'est peut-être du Dumas. Ou... Oui, enfin non, je pense que dans les romans, il n'y a pas beaucoup de choses à retrouver. Mais dans les pièces de théâtre, oui. Toutes les pièces de théâtre qui n'ont pas existé, pour une raison ou une autre, elles sont restées en manuscrit. Il y a un grand, grand nombre. Les âmes vaillantes, par exemple, je cite les âmes vaillantes. Bon, il faudra les rééditer. Mais il y a en cours, le premier volume n'est pas encore publié, mais il y a en cours une édition du théâtre complet d'Alexandre Dumas. Donc peut-être que les fameuses âmes vaillantes seront là, et etc. Non, il y a certainement des œuvres, mais des romans, je ne crois pas. Il y a des anecdotes historiques, par exemple en 44, je sais qu'elles existent. Là, j'étais en train de relever hier ou avant-hier des lettres écrites, mais c'est pas un roman, mais des lettres écrites à l'occasion de l'ouverture par Mademoiselle Georges de son cours de diction et de comédie. Là, ce sont des textes qui n'ont jamais fait l'objet d'édition. Ça, c'est resté dans des journaux, en fait. Donc vous n'attendez pas, vous n'espérez pas, vous ne craignez pas un inédit ou un... Non, je connais des choses un peu étranges, un récit de l'affaire Fualdès, mais non, il a écrit sans discontinuer. Il y a un moment où il a écrit pour gagner sa vie. Vous savez, à partir de 1848, sa vie est une course éperdue après l'argent, puisque à partir du moment où il fait faillite, où on le déclare en faillite, c'est un failli. C'est-à-dire quelqu'un sur lequel les créanciers essaient de mordre à belles dents, en fait. Et il est assez rusé surtout, mais assez fort pour résister à tout ça en attribuant à d'autres ce qu'il fait, etc., en fait. Et si aujourd'hui, Claude Chope, si aujourd'hui Alexandre Dumas était là, donc 21e siècle, et qu'il regarde... Le XXe siècle, quelle période choisirait-il pour un roman historique? Dans le XXe siècle? Oui. Quel est le héros, surtout? Parce que c'est le problème du surhomme. Quel surhomme ou quel homme un peu plus qu'ordinaire aurait-il choisi? Je pense qu'il aurait aimé prendre un explorateur, un savorgnan de Brazza ou autre personnage de ce type. Il me semble que c'est ça, c'est des récits. Il adorait les récits de voyage. Dans beaucoup de ses romans, il y a des déplacements. Oui, je pense que c'est le genre héroïque qui lui aurait convenu. Quand on achète le Congo, on peut... Enfin, voilà, c'est le roi qui va acheter le Congo. Mais on peut imaginer des choses comme ça. Enfin, bon... il y a la mythologie de l'amitié qui est très importante pour lui. Il aurait pu aussi trouver... des thèmes relevant justement de ces petits groupes. L'amitié virile surtout. Enfin, l'amitié virile, oui. Bien sûr. Et il y a toujours un Coconnas sous la molle ou d'autres personnages comme ça, ou d'autres couples, enfin de. Oui. D'autres pères, où il y en a un qui aime plus que l'autre finalement. Qui aime. Qui se sacrifie. Plus, mais qui se sacrifie. Où il y a aussi Rémy de Nanteuil dans La Dame de Montsoreau, qui est aussi le médecin serviteur du héros principal, mais qui est prêt à se donner entièrement pour son personnage. Oui, il y a le personnage qui se sacrifie, c'est vrai, qui aurait pu... dans le XXe siècle, est-ce que dans ce monde égoïste, est-ce que ça existe, ce sacrifice énorme? Bon, vous avez quelques heures pour y réfléchir, parce qu'on vous retrouvera tout à l'heure, Claude Chope, puisque là, on va entendre donc une conférence donnée par André Mauroy, consacrée aux Trois Mousquetaires, et puis un livre des voix, Le Voyage en Russie, et puis aussi une causerie par Paul Géraldi sur 20 ans après, et on terminera par les Trois Mousquetaires, c'est des épisodes radiophoniques des Trois Mousquetaires, une adaptation de Jean Chouquet qui date de 53, et puis une plus ancienne qui date de 1946, qui est signée Pierre Latour, et vous entendrez... ça va vous amuser, les Trois Mousquetaires. Je crois que vous connaissez par cœur, Claude Chope. Oh non, pas par cœur. Je n'ai pas une mémoire aussi assez forte. Mais si.